Troisième temps de notre série consacrée à l'histoire de la viande. Aujourd'hui, émission d'archives autour du cannibalisme et de l'anthropophagie. Après avoir lundi évoqué les interdits alimentaires liés à la viande et hier nous être interrogés sur ces viandes bizarres qui ont été consommées pendant le siège de Paris par les Prussiens en 1870, nous allons ce matin avec Anaïs Quien qui a préparé cette émission et qui la co-animera avec nous, donc nous intéresser à ces moments où l'homme dévore de l'humain, à ce qu'on a appelé, selon les périodes d'ailleurs, cannibalisme ou anthropophagie. L'occasion nous en est fournie par la publication toute fraîche chez Arquet de Angelica Montanari, un livre qui s'intitule « Cannibale, histoire de l'anthropophagie en Occident » chez Arquet, donc, elle est historienne du Moyen-Âge, elle sera en duplex avec nous depuis les studios de la RAI à Bologne où elle enseigne. Nous aurons également avec nous Franck Lestringant, il est professeur de littérature française à la Sorbonne et auteur d'un grand livre sur la grandeur et la décadence de la figure des cannibales, publié chez Drose il y a une vingtaine d'années mais toujours disponible bien évidemment. Et les textes de ce matin seront lus par Daniel Königsberg, qui nous accompagnera jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire. Ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus avant la terre ferme, auxquelles ils vont, tout nus, n'ayant autres armes que des arcs ou des épées de bois pointées par un bout à la mode des langues de nos épieux. Ces choses émerveillables que de la fermeté de leur combat, qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang, car de déroute et d'effroi, ils ne savent que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier par le bout de laquelle il le tient éloigné de quelques pas, de peur d'en être offensé, et donne, au plus cher de ses amis, l'autre bras à tenir de même. Et à eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomme à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun. Et on envoie les lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas, comme on pense, pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes. C'est pour représenter une extrême vengeance. Bonjour à vous Anaïs Quien. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Voilà qui met en appétit ce matin. Dès 9h, on va encore être accusé d'empêcher nos auditeurs d'avaler leur petit déjeuner. Hier et... on mangeait des souris, aujourd'hui on mange de l'homme. Oui, voilà. Bonjour Angelica Montanari. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous depuis les studios de la RAI à Bologne. On va vous donner la parole dans un instant. Et bonjour à vous, Franck Lestringant. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Je dis que votre livre, donc, publié en 1994, c'est ça? Exactement. Avec une préface remarquable de Pierre Chaunu. Voilà, chez Drose, est resté un monument pour ceux qui s'intéressaient à la représentation, en particulier littéraire, de ce qu'était le cannibalisme, à sa grandeur et à sa décadence. On a déjà parlé de cette question de façon brève il y a quelque temps en évoquant le tableau de Géricault, évidemment, sur le radeau de la Méduse. Mais là, le texte qui est lu par Daniel Königsberg en ouverture de cette émission est important, parce qu'il s'agit évidemment du texte tiré des Essais de Montaigne. Des cannibales. Des cannibales, qui est, d'une certaine façon, marque un moment, pourrait-on dire, de cette histoire de l'anthropophagie par d'abord l'utilisation de ce terme de cannibale qui va devenir une utilisation commune, mais qui à l'époque est une nouveauté. Oui, et Montaigne dit bien que les cannibales mangent de la chair humaine, non pas pour s'en nourrir, mais pour exprimer, pour représenter une extrême vengeance, pour se venger. Ils mangent pour se venger, mais pas pour se nourrir, contrairement à ce que d'autres avaient répété avant lui. Donc, à propos de ces cannibales qui viennent... Alors, ces cannibales, c'était des Au départ, le mot vient des Caraïbes, hein, des Caribas. Le terme est inventé par Christophe Colomb lors de son premier voyage de 1492. Mm-hmm. Lorsqu'il va en Amérique, il entend parler des Caraïbes et il les interprète comme des cannibas. Alors, il pense à des chiens, canis, hein, à des chiens, mm-hmm. des hommes chiens, des hommes à tête de chien. Alors, il y a des gravures qui illustrent les voyages de Colomb au début du XVIe siècle qui représentent les cannibales avec des têtes de chien. Et puis, il pense à une autre étymologie possible, le grand Khan. Colomb va vers l'Asie. Il ne pense pas rencontrer l'Amérique sur son trajet. Il va vers l'Asie, vers le royaume du Grand Khan, et les cannibales seraient peut-être tout simplement des sujets du Grand Khan. Mm-hmm. Et donc, il invente ce terme, il le popularise avec ceux qui participent à son expédition, et d'un seul coup, cela devient une nouvelle figure de l'autre, d'une certaine façon, Franck Lestringant. Oui, on parlait d'anthropophage auparavant. Il y avait des anthropophages, et l'anthropophagie n'était pas inconnue. Elle existait dans la préhistoire et dans l'Antiquité. Et à chaque famine, il y avait de l'anthropophagie en Europe. C'était une chose qui n'était pas totalement étrangère. Et tout d'un coup, il y a ce terme de cannibale qui cristallise un peu toute l'horreur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous l'expliquez dans le cannibale, chez De Rose, Franck Lestringant, le fait que il ne les ait pas vus, ces cannibales. Non. Et qu'il ne les ait que croisés par oui-dire, pourrait-on dire, Christophe Colomb et tous ceux qui partent en Amérique. C'est les tamaudiaux qui lui parlent des cannibales. Voilà, a laissé entendre à beaucoup d'interprètes postérieurs, et en particulier à des gens du XXe siècle, des analystes du XXe siècle, comme William Arends ou Anthony Pagden. Exactement. Que cette histoire de cannibales n'avait jamais existé. Ils sont, dites-vous, des négationnistes du cannibalisme, voilà, d'une certaine façon. Et ils ont pensé, en tant qu'interprètes des textes littéraires sur lesquels vous avez vous-même travaillé, qu'il n'y avait pas eu de cannibalisme et que c'était un phénomène dont il ne fallait pas parler parce que ça n'existait pas. Alors, en fait, il y a eu du cannibalisme un peu partout. En Amérique, il y avait du cannibalisme du nord au sud. Hein, il y avait le cannibalisme des Aztèques. On connaît les Aztèques, on connaît les Mexicains, et ils étaient cannibales, ils étaient anthropophages. Hein, ils arrachaient le cœur de leurs victimes sur les pyramides, et ils se nourrissaient du corps. Hein, le corps était vendu et dépecé et mangé. Donc, ce cannibalisme était très répandu, était une chose courante, et qui a évidemment effrayé et stupéfié les premiers découvreurs. Voilà. Alors, on va remonter plus haut. Dans cette histoire, Anaïs Quin. Oui, à propos peut-être d'un cannibalisme. Vous disiez, Franck Lestringant, qu'il y en avait partout, un cannibalisme qui touche les premiers siècles de la chrétienté à travers un texte de Procope de Césarée tiré de votre ouvrage, Angelica Montanari, à propos de deux femmes qui massacraient des pèlerins, donc les premiers pèlerins, les pèlerins de passage, pour festoyer avec leur corps. Le sort avait voulu qu'elles fussent les seules à survivre sur leur domaine. Aussi en résultait-il que les étrangers qui passaient dans ces parages descendaient dans la petite maison où elles habitaient, et tandis qu'ils dormaient, elles les tuaient et les mangeaient. Or, le 18e étranger s'était brutalement réveillé au moment où ces femmes allaient porter la main sur lui. Il bondit de son lit, apprit d'elles toute l'histoire, et il les mit toutes les deux à mort. Angelica Montanari, votre livre qui vient tout juste de sortir chez Arquet s'intitule « Cannibale, histoire de l'anthropophagie en Occident ». Et vous êtes médiéviste, cela a son importance parce que on évoquait la naissance du terme de cannibale à l'instant même avec Franck Lestringant, avec les premières découvertes américaines de Christophe Colomb. Et vous dites effectivement il faut trouver un nom à ces usages où l'homme dévore l'homme. Et pendant le Moyen-Âge, vous dites, il n'y a pas le mot cannibale, il est inventé après. Et il n'y a déjà plus le terme d'anthropophage, c'est cela, Angelica Montanari ? Exactement. Normalement, on pense que anthropophagie, c'est plus correct pour le Moyen-Âge, car c'est un terme grec, et donc qui était connu au Moyen-Âge. Mais en vrai, on le retrouve pas vraiment dans les textes, c'est très rare. Et quand il est utilisé, anthropophagie, c'est souvent dans la transcription ou traduction du texte grec. Mmh. Donc normalement, il n'est pas nommé vraiment le cannibalisme. Pour parler des cannibales, on utilise des expressions du type « les gens se mangeaient entre eux, dévorer l'homme, manger la viande humaine ». Mais c'est très intéressant, en fait, le fait qu'il ne soit pas nommé. Ça fait bien comprendre la profondeur de l'interdit qu'il y avait là-dessus. Anaïs Kira. Oui, Angelica Montanari, on est plus habitué à des récits de cannibalisme ou d'anthropophagie liés à des récits de voyage, des récits de naufrage. Beaucoup concernent plutôt un univers assez masculin. Dans ce texte de Procope de Césarée, il est question d'un cannibalisme féminin dès le VIe siècle. C'est assez exotique d'une certaine façon à l'oreille occidentale peut-être. Bah oui, j'espère avec mon texte d'avoir justement donné un regard différent parce qu'on est habitué à lire beaucoup de récits des cannibales par rapport aux autres populations de cannibalisme exotique. Et j'espère d'avoir donné un autre regard en montrant que c'était une petite partie de notre histoire aussi. Et c'est ça qui est intéressant aussi par rapport à, vous disiez justement qu'il y a eu un moment, notamment avec William Ahrens, où c'était à la mode de dire qu'il n'avait pas eu de cannibalisme. C'était justement une réaction au fait des stéréotypes de l'altérité. Et c'est une réaction qui était excessive parce que, évidemment, qu'il y a eu des cas de cannibalisme et des pratiques, des rituels, mais qui nous pose l'attention sur l'importance de comprendre aussi l'imaginaire par rapport au cannibalisme, et ne voir pas que les pratiques. Alors, et par rapport au féminin, je dois dire qu'au Moyen-Âge, j'ai trouvé beaucoup de sources sur les femmes, les femmes qui dévoreurs, donc femmes cannibales. Il y en a beaucoup au niveau littéraire aussi. Alors ce ne sont pas les femmes qui écrivent la plupart du temps ces textes. Vous pouvez nous présenter Raoul de Labert, qui est connu de tous les médiévistes comme un grand chroniqueur et qui raconte qu'en temps de pénurie, on vendait même de la viande humaine sur le marché, c'est-à-dire dans un village de Bourgogne qui se situait entre Mâcon et Chalon-sur-Saône. Qui est Raoul de Labert et que raconte-t-il au moment où il le raconte ? Enfin, en fait, c'est, comme vous l'avez dit, un des plus grands chroniqueurs, un des plus connus. Et le récit dont vous parlez, c'est par rapport au cas récit de 1032-1033. C'est une période de très, très grand cas récit. Et Raoul de Labert nous raconte du cannibalisme à propos de 1005 et de 1032-1033. Et nous donne des anecdotes très, très intéressantes. Il parle... On va l'écouter. Oui, très bien. Comme si désormais le fait de manger de la viande humaine était devenu une habitude, on vit quelqu'un apporter de la chair humaine cuite au marché de Tournus, comme s'il s'agissait de quelque animal. Arrêté, il ne nia pas son crime et fut lié au bûcher et brûlé. La viande fut enterrée, mais un autre la déterra nuitamment et la mangea. Il fut brûlé de même. Angelica Montanari, dans ce texte de Raoul de Labert, on entend une manière tout à fait étrange d'aborder cette question de l'anthropophagie qui est de la vendre publiquement sur un marché. On est tout à fait sidéré en apprenant ce genre de choses et de manière générale, on est toujours un peu incrédule face au récit d'anthropophagie. Qu'avez-vous fait justement dans votre ouvrage de ces anecdotes, de ces histoires de vente de chair humaine séchée ou fraîche et utilisée pour se nourrir ou dans la pharmacopée? Il me semble que sûrement le fait de la vente au marché, c'est aussi un stéréotype qui veut nous montrer l'animalisation de l'homme qui a été victime d'anthropophagie. Donc c'est une façon de dire que la famine était si forte au point qu'on vendait vraiment la viande humaine. Ça ne veut pas dire que c'est un fait réel. Et oui, il me semble bizarre le fait de vendre vraiment la chair humaine. Mais sûrement, c'est très difficile, en étudiant les chroniques et les annales qui nous racontent les famines, de comprendre ce qui est l'imaginaire, ce qui est la réalité. Souvent, l'anthropophagie est aussi un stéréotype de la famine. Et ce sont des mentions très générales. C'est une façon de dire que la famine était excessive, que de rappeler qu'on en était arrivé à tel point que l'homme mangeait l'homme. C'est ce que vous voulez dire, Angelica Montanari. Exactement, merci. Exactement, c'est ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des épisodes de cannibalisme. Enfin, souvent, un stéréotype, ça vient d'un épisode. Mm-hmm. Donc, on nie pas la réalité. La réalité. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a d'autres sources qui sont, d'autres épisodes qui sont plus documentés. Par rapport aux famines, c'est toujours des mentions très générales, très génériques sont, par rapport à des territoires très larges. On trouve par exemple Raoul Glaber et Procope, c'est des exceptions. Enfin, ils ont des descriptions assez détaillées, mais normalement, c'est juste trois lignes, deux lignes, une petite expression, un petit mot, l'homme dévorait l'homme, et donc pas facile de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en vrai. Alors, Franck Lextringant, c'est peut-être le moment d'expliquer qu'il y a des raisons qui sont toutes différentes à ce cannibalisme ou à cette anthropophagie telle qu'elle est décrite par Angelica Montanari et par vous-même dans votre livre sur le cannibale, grandeur et décadence. Franck Lextringant, ces raisons peuvent être, on l'a compris, la vengeance, c'était oui. Le texte de Montaigne, peuvent être la famine, la faim, c'est les textes qu'on vient d'entendre de Raoul Glaber, ça peut être simplement... un goût immodéré pour la chair humaine, et là on entre dans un autre domaine qui est le domaine de l'ogre, etc. Et puis il y a la raison religieuse aussi. Oui. Il faut rappeler aussi que dans le christianisme, il y a l'Eucharistie. On mange le corps du Christ. On consomme, le fidèle consomme la chair et le sang du Christ. Et c'est récurrent. Ça hante tout le XVIe siècle, et notamment au moment des guerres de religion. Bien sûr. Les protestants, les calvinistes tout spécialement, refusent en quelque sorte cette présence de l'incarnation, cette incarnation continuée. Ils croient en l'incarnation, ils reconnaissent l'incarnation, mais cette incarnation a eu lieu, une fois pour toutes, c'est fini. Maintenant, on commémore. Hein. La scène protestante est une commémoration. Ce n'est pas une réalisation actuelle de la christophagie, hein, si on peut dire. Oui, ça, c'est aussi quelque chose qui tracasse beaucoup, Angelica Montanari, les contemporains et ceux qui vivent au Moyen-Âge, que de se dire, mais comment justifier à la fois le fait, l'interdiction de manger de la chair humaine et en même temps, quand on est exégète, bien reconnaître qu'il y a par ailleurs, dans le christianisme lui-même, une part, en tout cas symbolique, de l'anthropophagie par la dévoration du corps et du sang du Christ. C'est pas Angelica. Tout à fait symbolique, c'est pas seulement symbolique. Pas symbolique. Oui, je suis d'accord, absolument, je suis d'accord. Les exégètes, les théologiciens, ils donnent cette explication-là, en fait, pour eux, même aujourd'hui. Enfin, l'Eucharistie, ce n'est pas le fait de manger le Dieu, mais quand le fidèle mange l'hostie, le Dieu nous assimile, enfin, assimile les fidèles. Donc, c'est une sorte de communion, d'assimilation. Ouais. Mmh. Ça, c'est au niveau de la théologie. Après, c'est vrai que, d'un point de vue qui n'est pas catholique et qu'à l'époque, enfin, c'est clair qu'il y a une sorte de théophagie et aussi c'est vrai que c'était quelque chose qui frappait aussi les contemporaines. Mmh. On trouve un langage très alimentaire dans les sources, on parle de manger Dieu, de la douceur de Dieu, qu'est-ce qu'il était savoureux, sa chair, qu'est-ce que c'était bonne. Oui, langage très fort, donc nous montre la réception de la pratique qui est différente de la dogmatisation qui d'ailleurs est très tardive. C'est-à-dire, à quelle époque? La transjustanisation a une première... C'est 1215, c'est le concile de Latran, c'est ça? Exactement, mais après, de façon définitive, c'est même après les conciles des 30, donc c'est très tardif. Mm-hmm. Mais ça impose, en cette période-là. Anaïs Kien. Alors, on entend bien la capacité de transformation, la puissance transformatrice de cette ingestion du corps symbolique du Christ et du divin. Transubstantiation. Absolument. Et Athénagore, donc philosophe chrétien du IIe siècle, lui affirme que, par ailleurs, manger le corps d'un autre homme, de son égal, n'est pas si important que cela, et pas forcément nocif d'une certaine façon, puisque le corps humain est incapable d'en ingérer véritablement un autre. Mmh. Certaines substances, à peine entrées dans les replis des intestins, sont naturellement éliminées sous forme de vomissures et d'excréments ou évacuées de toute autre façon. En sorte qu'elles ne subissent pas le moins du monde le premier processus naturel de digestion, ni à plus forte raison celui de fusion avec l'organisme qui les a absorbées. Qu'est-ce qu'on peut dire, Angelica Montanari, de ce texte d'Athénagore, justement, sur la question de la digestion? C'est assez typique. C'est pas qu'il y a Athénagore, Saint-Augustin, Tertullien, enfin, chez les théologues, en fait, s'impose l'idée que le destin du corps ne peut pas nuire à l'âme. Et c'est la parole du Christ qui assure ça, déjà. Donc, dans la résurrection du corps, quoi que ce soit de le destin du corps, on pourra avoir un nouveau corps magnifique. Enfin, dans tout, sera recomposé par la divinité, par Dieu. Mmh. Et donc, c'est ça à la base. Mais c'est vrai que le corps dévoré, ça posait d'autres questions. Par exemple, est-ce que on devait prendre la chair du dévoreur, enfin, ou la chair du dévoré, enfin, chair dévorée. Est-ce que celui qui était dévoré, c'était l'âme de celui qui était dévoré qui prédominait, ou c'était l'âme de celui qui dévorait? Et donc, ça pose une question, en l'occurrence, Angélica. La question de la résurrection de la chair, ça, bah, pose une question épineuse. Hein. Voilà, pratique aussi. Voilà. Qui du dévoré ou du dévoreur va ressusciter, va ressusciter, c'est voilà, cela. Encore, oui. Après, saint Augustin nous dit que ça doit aller au dévoré, parce que c'était la sien au début. Donc, c'est comme un prêtre d'argent. Il nous dit exactement ça. Ah, c'est comme un prêtre d'argent. Ah, oui. Oui, on doit redonner l'argent après. On doit redonner la chair. Donc, c'est le dévoré qui va ressusciter, tandis que le dévoreur, pas. C'est ça, non, non, les deux. Mais la chair va recomposer, ça sera recomposé dans le corps du dévoré. Du dévoré, voilà. D'accord. Anaïs Kien. Et d'ailleurs, dans le regard porté sur les anthropophages, au moment où on les juge, au moment où on raconte leur histoire, Franck Lestringant, est-ce qu'on a on perçoit une hiérarchie en fonction des raisons de ce cannibalisme, c'est-à-dire manger par nécessité pour sa survie, ou manger pour se venger, comme un acte de guerre, comme un acte de destruction symbolique? Est-ce jugé de la même façon par les sociétés qui en parlent ou qui traitent du problème? Au XVIe siècle, je crois que... On a cité Montaigne tout à l'heure, on a lu Montaigne, et le fait de manger pour se venger, ça excuse presque le cannibalisme. Ça n'excuse pas totalement. Jean de Léry, davantage que le cannibalisme de nécessité. Oui, enfin... Oui et non, enfin, ça l'anoblit du moins, c'est ça. Alors vis-à-vis du christianisme, non, c'est pas recevable effectivement de manger son ennemi parce que pour s'en venger, mais ça l'anoblit en quelque sorte. Il y a un anoblissement du cannibalisme chez Montaigne, chez Jean de Léry dans l'histoire d'un voyage sur l'intérieur du Brésil. Le fait de manger celui qu'on a vaincu, et bah, finalement c'est pas si terrible que ça, et c'est secondaire. L'essentiel c'est d'obtenir la victoire sur lui et de le posséder et de le dominer. Et l'éliminer. Et c'est déjà ancien, puisque si on prend un texte sur Richard Cœur de Lion partant aux croisades, voici ce qui est raconté, lu par Daniel Königsberg. Non par faim, nos vies seront dépensées, alors que nous pouvons, à chaque assaut, tuer les Sarrasins, prendre leur savoureuse chair pour la faire bouillir, rôtir, frire ou cuire au four. Et ronger la viande jusqu'à l'os. Alors, Angelica Montanari, métaphore ou pas métaphore, ce Richard Cœur de Lion en pleine croisade? Dans le cas de Richard Cœur de Lion, c'est clairement une métaphore. C'est un ouvrage collectif du XIVe siècle. En fait, les récits d'anthropophagie, c'est dans une version du XVe siècle du même roman en vers. Et là, l'anthropophagie de Richard, c'est un symbole de conquête. Enfin, il est très fort parce qu'il peut manger beaucoup, beaucoup de sarrasins. Et c'est aussi très bizarre parce que c'est pas le portrait qu'on a habituellement de Richard Cœur de Lion. Donc, c'est une sorte de contre-modèle positif de l'anthropophagie. Il est, voilà, sa force surnaturelle, ça vient de son grand appétit envers la chair de Sarrasin. Mais la vengeance et le fait de manger l'ennemi, ça a été aussi une pratique dont je parlais, voilà, dans mon livre. Oui. Anaïs Kien. Alors, toute la question est de savoir qui a-t-on le droit de manger, Franck l'estringant, vous avez l'air très intrigué. Et donc peut-être pour continuer dans cette typologie des victimes du cannibalisme et du regard porté sur le cannibale, on vous propose maintenant un texte élaboré en Orient au 7e siècle, a priori anonyme, attribué à un temps aux pseudo-méthodes, issu d'un récit eschatologique que nous lit Daniel Koenigsberg immédiatement. Dévorer de la chair humaine est l'expression de la violence que les hommes exercent sur leurs prochains, dont ils ingèrent la chair et le sang, qu'ils déchiquettent souvent de leurs dents acérées comme des lions ou d'autres animaux féroces, ou les dérobent, les brûlent, les vandalisent, ou qu'ils tuent sans raison. Autant d'actes qui, bien que perpétrés par nombre de gens, sont toujours des actes propres aux impitoyables tyrans. L'Italie, en l'occurrence, puisque c'est un texte de Boccace qui vient d'être lu par Daniel Koenigsberg, l'Italie est un lieu un peu particulier, expliquez-vous, Angelica Montanari, pas simplement parce que vous êtes italienne, mais parce que, dites-vous, entre le 13e et 14e et 15e siècle, en l'occurrence, il y a des guerres infinies qui se déroulent dans les cités italiennes, dans les républiques italiennes, avec des clans qui s'affrontent très violemment, et vous donnez énormément d'exemples de récits d'anthropophagie dans ces cités italiennes. Qu'est-ce qui explique justement cette prédominance, alors que vous expliquiez auparavant dans votre livre Cannibal, histoire de l'anthropophagie en Occident, paru chez Arquet, Angelica Montanari, que, eh bien, on voyait disparaître cette figure de l'anthropophagie aux alentours du XIe siècle, qu'il y en avait beaucoup dans le haut Moyen-Âge, on en parlait dans les textes, comme ceux de Raoul Glaber ou d'autres auparavant. Et puis, à partir du XIe siècle, milieu du XIe siècle, on n'a plus beaucoup de traces. Et cela renaît dans le bas Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, en Italie. Pourquoi ? Oui, en fait, sur la continuité, ça dépend de sources par rapport au Moyen-Âge. Il y a des textes, il y a des typologies de sources où on trouve une continuité pendant tout le Moyen-Âge et d'autres sources où il n'y en a pas. Mais par rapport à l'Italie, c'est très spécial parce qu'il y en a nombreux cas entre le 14e et le 6e siècle dans le contexte urbain, donc dans les villes du centre et centre-nord d'Italie. C'est pas que là, mais il y a une concentration très haute. C'est plus d'une quinzaine d'épisodes, donc une quinzaine d'épisodes dans ce territoire-là. Et sûrement, c'est lié aussi aux pratiques des violences, comme vous l'avez dit justement, parce que... De guerre civile. De guerre civile, mais aussi au fait que les rituels de violence étaient utilisés aussi par la justice officielle. Oui. C'était une répression judiciaire très forte et la punition devait être publique. Et dans ces punitions publiques, on pouvait voir des choses horribles, écartelement, découpage, dépeçage. Exactement. Et donc, l'anthropophagie n'était pas comprise dans les punitions officielles parce que c'était interdit quand même. Mais je pense que le contexte a influencé forcément aussi la vengeance privée ou les pratiques de vengeance publique. Et au cours des guerres de religion, il y a des scènes d'anthropophagie par vengeance, par violence. Et il y a un anti... Vous parliez de l'Italie, mais justement, en France, au temps des guerres de religion, on parle des Italiens. On dit que les Italiens sont anthropophages. Il y a un réflexe anti-italien, une italophobie en quelque sorte. Et cela pourrait aller jusqu'au moment où Concini est assassiné et qui était un Italien, conseiller de la mère de Louis XIII et est assassiné. On va jusqu'à manger et dévorer son cœur en l'occurrence. Absolument. Exactement. Oui, c'est ça. Et aussi Celleri, il me semble, l'estrigan que parle le nom de cannibalisme en Italie, qui cite, il dit, c'est des pratiques qui existaient aussi en Italie. Et je pense qu'il fait référence à ces épisodes-là, oui. Ce sont des tyrannicides, des complots, des révoltes. Colla di Renzo, par exemple, au moment où on se débarrasse de Colla di Renzo à Rome, c'est cela, par exemple, Angelica Montanari? Oui, ça, c'est un cas un peu plus tardif, mais... Ouais. c'est exactement de pratiques pareilles. Et par exemple, un peu plus tôt, il y a en 1343, Florence, donc c'était des villes aussi très connues pour l'art, pour la culture et tout, mais où il éclate une révolte contre Gauthier de Brienne, le seigneur de la ville. Oui. Mais c'est pas lui qui vient manger. Lui, il survit à la révolte. C'est un fidèle, enfin un homme qui lui était très proche, qui s'appelle Guillaume d'Assise et son fils. Et les chroniques, il y a plusieurs chroniques, Giovanni Villani et d'autres, qui nous racontent que la foule en colère les a tués et après les a mangés. Il a mangé la chair cuite et la chair crue aussi. C'est un exemple typique de ces épisodes-là. Ça pouvait être aussi des accrochages entre factions, mais surtout, c'était des tyrannicides. Tyrannicides ou sinon des punitions du crime, de ce qu'aujourd'hui on appelle le crime de lèse-majesté, enfin, donc quelqu'un qui a essayé de tuer le seigneur de la ville. Donc, c'était ça, c'était des crimes énormes, donc des punitions spéciales. Et c'était pas par la justice officielle, mais c'était la foule, nous raconte le peuple. D'ailleurs, Angelica Montanari, dans votre ouvrage, vous citez un épisode des Noces Rouges, du tout début du XVIe siècle, raconté par un récit anonyme, dont Daniel Königsberg nous lit un extrait immédiatement. On entendit soudain un bruit effroyable quand fut capturé le jeune Altobello. Tout le monde criait « Mort au traître !» Il fut blessé par l'épée et le couteau. L'un de ses ennemis lui arracha le cœur. Imaginez le massacre. Chacun emportait un morceau du corps d'Altobello. Et certains même en mangeaient. On est là dans un épisode un peu particulier de vengeance, là aussi, vengeance populaire. Vous expliquez d'ailleurs, Angelica Montanari, combien la place des enfants dans ces récits est importante, parce que pour montrer combien le crime était grand, on décrit des enfants qui eux-mêmes participent au massacre et qui peut-être parfois participent à la dégustation des morceaux de celui qu'on vient de massacrer. C'est un récit stéréotypé, en l'occurrence, Angelica Montanari, ou pas ? Oui, c'est très stéréotypé, en fait. D'ailleurs, les Noces Rouges, ce sont plutôt un épisode de même année, mais qui a eu lieu à Pérouse. Mm-hmm. C'était un jour entre la famille de Bayoni. L'épisode est dit, voilà, c'était contre Altobello. Et c'est très stéréotypé, car en vrai, c'était de la faction de Ghibellin. Donc, c'était... Oui, merci. Non, mais c'est pas grave. Je traduis pour l'auditeur français qui connaît les Gibelins. Non, tout va très bien. Vous parlez un français parfait, mais c'est juste que les Français connaissent les Gibelins. C'est pour cela. Allez-y. Je fais des efforts. Ah, bah, oui, c'est parfait. Continuez à en faire, mais c'est parfait. Et donc, c'était plutôt advers le pape qui a envoyé une armée contre le tyran. Après, les sources nous racontent du peuple qui tue les tyrans, qui le coupe en morceaux, qui les mange. Mais en vérité, on ne sait jamais... Qu'est-ce que c'était en vrai, la vraie participation populaire? On a plutôt l'impression que c'est des grandes familles, que tout est manœuvre, enfin, tout est géré par des grandes familles. Oui, c'est-à-dire que ceux qui sont assassinés participent aux grandes familles et ceux qui les mangent, s'ils les mangent, sont aussi des gens de grande famille, c'est cela, Angelica Montanari. Oui, ouais, exactement. C'est des luttes pour le pouvoir, normalement, qui ont lieu en ce moment-là. C'est pas toujours le peuple, mais le fait de présenter les enfants comme. Il y avait vraiment des pratiques de violence des enfants, ça existait, et même dans le cas du cannibalisme. Mais c'est clair que les chroniqueurs posent l'attention sur les enfants parce que c'est des êtres qui sont purs, donc ils donnent l'impression que c'est une sorte de vengeance de Dieu qui a utilisé les enfants. D'ailleurs, on peut manger les enfants pour se purifier dans certains rituels, Angelica Montanari. Bah oui, pas au Moyen Âge, par contre, pas dans la mentalité chrétienne quand même, c'était pas officiel, non. Non, mais il y a beaucoup de, on fait mention souvent de cannibalisme, de victimes, des enfants qui étaient victimes de cannibalisme. Mm-hmm. Ça, c'est très très fréquent, au point de poser la question, est-ce que vraiment c'était si courant par rapport à la condition d'enfant de pouvoir sacrifier un enfant, où c'était un stéréotype qu'on retrouve déjà dans les textes sacrés, dans la Bible, et on retrouve dans la littérature du Moyen-Âge, la mère qui mange son enfant, donc c'était peut-être, ça vient presque souvent de là aussi. Il y a les canards qui sont des écrits occasionnels, et il y en a à l'époque moderne en particulier. À l'époque moderne, au XVIe siècle, mm-hmm. il y a des canards où l'on mange, où l'on raconte des histoires d'ogres, enfin des hommes qui volent des enfants, qui mangent des enfants. Je voulais revenir sur le texte qu'on a entendu tout à l'heure, sur ce massacre d'Altobello. On lui arrache le cœur. Il y a des parties qui, dans les récits, sont plus souvent mangées que d'autres, en l'occurrence. Oui, le cœur et le foie, bien sûr. Exactement. Le cœur et le foie, parce que ça renferme l'âme et la vie même de celui qu'on dévore. Oui, donc ce sont des morceaux de choix. Des morceaux de choix, en quelque sorte. Pas du point de vue gustatif, mais du point de vue symbolique, évidemment. Alors, on a un extrait tiré de la Vita Nova de Dante, qui nous est lu par Daniel Königsberg. Déjà étaient passées les heures où les étoiles brillent de tout leur éclat. Quand m'apparut tout à coup l'amour, dont l'essence me remplit encore de terreur, l'amour me paraissait joyeux. Il tenait mon cœur dans sa main et dans ses bras une femme endormie et enveloppée d'un manteau. Puis il la réveillait et ce cœur qui brûlait, il le lui donnait à manger, ce qu'elle faisait, craintive et docile. Puis je le voyais s'en aller en pleurant. En Franck Lestringant, on a quitté la sphère guerrière pour croiser celle de l'amour et de la dévoration amoureuse, qui est aussi un thème récurrent de ce cannibalisme presque positif. Oui, on dévore le cœur de celui qu'on aime, oui. Ou qui vous a abandonné. On se venge, mais en continuant à l'aimer, quoi. Il y a une femme qui mange le cœur de celui de l'amant qui l'a abandonné. C'est une façon de continuer la fusion charnelle qui passe par les dents, par l'estomac, et non plus par le sexe, et non plus par l'amour. Et qui rejoint peut-être justement ce qu'on abordait juste avant, c'est-à-dire la dévoration de son propre enfant, c'est-à-dire réunir deux êtres dont on refuse la séparation, d'une certaine façon. Oui, et alors aussi, il y a la mère qui mange son enfant. Ça, c'est un schéma qui apparaît déjà chez Flavius Joseph, au moment du siège de Jérusalem, et qu'on retrouve chez Daubigné dans les tragiques, la mère dévorant son propre enfant, qui est une forme... C'est un peu l'inversion du modèle normal, du modèle naturel. C'est le monde renversé. Hein, et la mère dévoratrice de son propre enfant, c'est le comble de l'abomination. Et Daubigné en fait le signe de la fin des temps, un signe de la fin des temps, bien sûr. Mais lundi, on abordait le mythe de Nout, la déesse du ciel égyptienne, qui représentait comme une truie, dévore ses enfants, donc ses propres gorées, représentant les astres, auxquels elle redonne vie chaque nuit et chaque matin, selon leur nature. Et là, on est plutôt dans une dévoration de renaissance, Angelica Montanari. C'est-à-dire que le destin du corps mangé n'est pas de disparaître, n'est pas la soumission, mais au contraire la renaissance. Enfin. Bah oui, dans ce mythe-là, en tout cas, évidemment. C'est un mythe égyptien. Oui. On est très loin de la chrétienté médiévale. Oui. Exactement. Au Moyen Âge, c'est plutôt le corps mangé. Bah, il l'a bien dit, l'estrangant, c'est justement la vengeance du mari sur sa femme qui l'a trompé. C'est-à-dire que le mari fait manger le cœur de son amant à sa femme, c'est cela. Oui. Qui s'en régale et qui ne sait pas qu'elle est en train de manger le cœur de son amant, c'est cela. Exactement. Mais après, le fait que la dame, elle meure presque dans tous les récits est très important parce que cela garantit d'une certaine façon la sépulture. Enfin, ça ne devient plus une question alimentaire comme le voulait l'épouse, le mari dans sa vengeance. Alors, la dame qui se suicide ou qui meurt, en mourant, garantit une sépulture qui il n'y a pas de contamination entre l'alimentaire et les cœurs de l'amant. Donc, c'est très, je pense que c'est très important le fait que la dame doit mourir. Dites une des parts très étranges et très, enfin, qui m'a beaucoup surpris en vous lisant, en l'occurrence, Angelica Montanari, c'est dans votre livre paru chez Arquet, c'est ce que vous dites sur ces onguents, ces préparations qui sont faites à partir et qui participent de ce cannibalisme du corps des morts. Vous expliquez combien au Moyen-Âge il y a des recettes. Au temps des guerres de religion. Et encore au temps des guerres de religion. Lorsqu'on massacre des protestants, lorsqu'il y a des grands massacres de la Saint-Barthélemy, on utilise la graisse des morts protestants, bien sûr, pour en faire de la nourriture et pour en faire des onguents ou des médicaments. Oui, ça c'est très étrange. Ouais. Vous appelez ça, il y a la moumia, il y a tout un tas de termes qui sont utilisés. On met de l'eau, on met du vin, on récupère sur le cadavre des substances qui sont censées guérir, en l'occurrence Angelica Montanari. Oui, évidemment, c'était une pratique très très diffusée au Moyen-Âge. On parle de mumia ou de mumie. On utilise souvent le mot latin parce que pour ne pas confondre avec la momie, le corps embaumé. Et au Moyen-Âge, au début, ce qui est bizarre, c'est que au début du Moyen-Âge, la momie, c'était un composé minéral. Un composé minéral très proche des substances utilisées pour embaumer le corps. Mais après, dans la transcription des pharmacopées, des traités de médecine, ça commence à être décrit comme un vrai composé humain. Oui. Ça devient un liquide filtré par le corps de l'homme dans la putréfaction, dans les décompositions. vous verriez nos têtes. Vous êtes, bon vous appétit êtes, vous êtes après, à Bologne. On va manger. Voilà, et voilà. Et sinon, il y avait le vinage aussi, qui était de l'eau filtrée par les reliques. Donc, il y a tout des remèdes composés par des parties du corps humain. Et la momie, à la fin du Moyen-Âge, ça change encore vers l'époque moderne, au 15e siècle. Et comme c'était plus, il y avait une demande très haute, donc avant, était emporté par l'Afrique ou par l'Orient. Après, ça commence à être fabriqué en Europe et en coïncidence avec la circulation de corps causée par l'anatomie, qui devient une pratique plus courante. Ouais, et d'ailleurs, Franck Lestringant, dans son livre, Angelica Montanari explique qu'il y a des chirurgiens, les barbiers, qui sont assez mécontents. Il y en a qui sont pour aller chercher des cadavres, par exemple, au gibet de Montfaucon. Oui. Et puis d'autres, comme Ambroise Paré, qui dit non, parce que si ce sont des condamnés dont on prend le corps pour pouvoir justement faire ses onguents et faire ses médicaments, ces momies, on va à partir de là reprendre le mal qu'il y a en eux et ça n'est pas tout à fait légitime et normal, en l'occurrence Franck Lestringant. Et puis on allait chercher aussi de la momie en Terre Sainte, lors des pèlerinages, les pèlerins de Jérusalem rapportaient de la momie d'Orient. Alors effectivement, la momie, ça peut être dangereux, ça peut transmettre des maladies. Oui, des maladies ou des... Alors que c'est censé guérir, en l'occurrence. Absolument, absolument. Alors ça, c'est effectivement une des grandes nouveautés. Enfin, moi, je ne connaissais pas cette pratique de la momie ni du vinage que vous avez décrit, en l'occurrence, Angelica Montanari. Qui se poursuit jusqu'au 19e siècle. Et qui se poursuit très tard, effectivement, dans l'époque moderne et même dans l'époque qu'on appelle contemporaine. Un nouveau texte, Anaïs Quin ? Oui, alors voilà, plutôt que de consommer de la poudre de cadavres séchés ou de la poudre de cadavres d'escrocs, de voleurs ou de violeurs, mangeons des bébés. C'est ce que préconise, dans un texte très ironique évidemment, Jonathan Swift, dans une modeste proposition datant de 1729. J'ai fait le calcul qu'en moyenne, un enfant qui vient de naître pèse 20 livres et que, dans l'année solaire, s'il est passablement nourri, il ira à 28. J'accorde que cet aliment sera un peu cher et par conséquent, il conviendra très bien aux propriétaires qui, puisqu'ils ont déjà dévoré la plupart des pères, paraissent avoir le plus de droits sur les enfants. La chair des enfants sera de saison toute l'année, mais plus abondante en mars, et un peu avant et après. Car il est dit par un grave auteur, un éminent médecin français, que le poisson étant une nourriture prolifique, il naît plus d'enfants dans les pays catholiques romains environ 9 mois après le carême qu'à toute autre époque. C'est pourquoi, en comptant une année après le carême, les marchés seront mieux fournis encore que d'habitude parce que le nombre des enfants papistes est au moins de 3 contre 1 dans ce royaume. Cela aura donc un autre avantage, celui de diminuer le nombre des papistes parmi nous. C'est extraordinaire. Une double efficacité. Beaucoup d'humour quand même. Oui, mais Swift est en même temps un anglican qui se moque des catholiques, c'est ça. Il y a de l'humour, mais en même temps, on voit le rapport du protestant au catholique. Pour le catholique, pour le protestant, le catholique est un cannibale. Il mange de la chair humaine. Et là, il propose aux Irlandais de manger réellement leurs enfants pour pouvoir survivre. Comme ça, ils seront un peuple prospère et bien alimenté alors qu'ils meurent de faim. Oui, alors c'est effectivement toujours, on a parlé de la grande famine en Irlande. La semaine dernière dans cette émission, c'est toujours effectivement ce combat des Britanniques et des Anglais en particulier vis-à-vis de Swift, ces Irlandais. Sont... Swift est un Anglais qui vit en Irlande, mais c'est un Anglais et un protestant et qui constate que les catholiques meurent de faim. Alors pourquoi ne se nourriraient-ils pas de leurs enfants, de leurs propres enfants ? Est-ce qu'on voit disparaître cette question du cannibalisme et de l'anthropophagie plus on se rapproche, non pas de la fin de l'émission, c'est pour bientôt, mais plus on se rapproche du XXe siècle, en l'occurrence Franck Lestringant ? C'est-à-dire, est-ce que ces questions obsèdent toujours autant les écrivains, les auteurs, ce que vous avez étudié vous-même pour votre livre sur le cannibale ? Alors par exemple, oui, et au cannibalisme, ce que j'appelle le cannibalisme d'honneur au XVIe siècle qui est représenté par Montaigne, se substitue l'hypothèse du cannibalisme de nécessité dont on a parlé. On mange de l'homme par nécessité. Alors c'est Cardan, Jérôme Cardan au XVIe siècle qui le premier énonce cette hypothèse. Et qui va avoir l'auteur du Traité des Rêves, c'était lui, c'est le Cardan du Traité des Rêves. Oui, c'est ça, c'est le Cardano, Girolamo Cardano, un Italien. Et alors, au XVIIIe siècle, Diderot reprend ces idées-là à propos de Tahiti, à propos du supplément Voyage de Bougainville. Il dit, dans le cannibalisme, il est né dans les îles parce que les ressources sont limitées. Alors, les îles qui font rêver, qui, en fait, c'est des milieux confinés, renfermés, et la population qui augmente est obligée de se limiter, et de se limiter notamment par le cannibalisme. Et on voit une relance magistrale de ce thème du cannibalisme de survie à travers l'épisode du radeau de la Méduse, le procès retentissant de cette affaire. Et puis l'accident dans les Andes, l'avion qui s'est écrasé dans les Andes. Et entre-temps, le tableau de Géricault, bien sûr, qui sublime cette figure du cannibale. Oui, et le cannibalisme, c'est aussi un mythe politique à ce moment-là. C'est les puissants qui oppriment les pauvres. Et les royalistes, en l'occurrence, c'est-à-dire le régime de la Restauration, qui est mis en accusation à travers ce procès des officiers qui ont laissé faire ce naufrage. Qui ont mangé parfois le simple peuple, les simples matelots. Effectivement, c'est un épisode particulièrement horrible. Alors le cannibalisme, il y a d'autres épisodes du cannibalisme de contrainte. On revoit le cannibalisme au XXe siècle dans les camps de concentration. C'est une chose dont on ne parle pas, mais il y avait du cannibalisme dans les camps de concentration. Et parmi les représentations, effectivement, on peut citer, et c'est Daniel Koenigsberg qui me passait un petit mot, on peut citer le... Oui, la pièce de Michel Vinaver, qui relate ces survivants d'un accident d'avion. Oui, dans les Andes. Oui, c'est le titre. Et donc, effectivement, ce sont des figures récurrentes, dites-vous, du récit, de l'homme sur l'homme aussi. C'est cela aussi, Franck Lestringant. Oui, dans l'épisode des Andes, c'est très intéressant parce que c'était des catholiques, c'était des rugbymans, je crois, ou des footballeurs. Enfin, c'était des sportifs et qui ont mangé donc leurs compagnons qui étaient décédés, qui avaient été tués lorsque l'avion s'est écrasé. Et ils ont survécu comme ça pendant plusieurs mois dans les Andes. Donc, c'était dans les années 70. Dans les années 70. Et c'est tout à fait étonnant. parce qu'ils arrivent à concilier leur catholicisme, ils restent catholiques. Alors, il y a un film qui a été fait, et on voit l'un des témoins, en même temps acteur et témoin de cet épisode, qui dit « on a survécu grâce à l'anthropophagie », une anthropophagie qui n'était pas très, très ragoûtante d'ailleurs, hein, qui était, on mangeait les cadavres desséchés, et on ne les cuisait pas, c'était assez épouvantable, mais ça n'a pas empêché la croyance en... De cohabiter. En Dieu. Oui, et puis la croyance en Dieu, c'est ça. Ça n'a pas aboli la religion. Ils vivaient quand même dans cet espoir. Et ils l'ont expliqué quand ils sont arrivés au Chili. Ils racontent devant les caméras de télévision. C'est assez étonnant et c'est même bouleversant. Ouais. Alors, Angelica Montanari, pour conclure cette émission, votre travail est tout à fait passionnant sur ce cannibalisme et cette anthropophagie telle qu'elle était pratiquée. Et rêvé aussi, ou cauchemardé, oui. par le Moyen-Âge. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une nouvelle étape de la recherche dans ces domaines-là. Il y a plusieurs livres qui sont parus depuis le livre de Franck Lestringant sur cette question. Ça veut dire que c'est un thème qui intéresse de façon nouvelle la médiéviste que vous êtes, mais aussi d'autres périodes de l'histoire. Oui, je pense qu'il y a une vraie renaissance des études sur le cannibalisme. Quand j'ai commencé, il y a beaucoup d'années, enfin, il y a très peu de livres sur le Moyen-Âge, je veux dire. Mais maintenant, on peut compter quelques ouvrages aussi de synthèse sur la littérature. En Angleterre, sur l'Europe, Vincent Vandenberg a écrit aussi un livre sur le sujet. Au même moment, on étudiait, enfin, dans le même moment, mm-hmm. le même thème. Et donc, il y a plusieurs articles aussi. Enfin, je pense vraiment qu'il y a un nouveau intérêt mm-hmm. qui est dû à l'intérêt de l'histoire du corps, l'histoire du cadavre et tout. C'est ça. Oui, et donc, Franck Lestringant, vous avez été un peu précoce dans votre travail sur cette question-là, parce que vous l'avez entamé à la fin des années 80, au début des années 90, mais en fait, vous avez vu beaucoup de successeurs avec votre propre travail, Franck Lestringant. Merci. Oui, mais c'est un thème toujours actuel, et puis c'est au cœur de notre religion, c'est ça. J'en reviens toujours au thème théologique, mais c'est la base, c'est le noyau. De la religion chrétienne. Ben bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas évident. Que les chrétiens. Non, bien sûr. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je rappelle que votre livre, Franck Lestringant, s'intitule « Le cannibale, grandeur et décadence » et qu'on le trouve dans la collection Titres courants chez Drosse. Quant à vous, Angelica Montanari, votre livre vient tout juste de sortir. Il s'intitule « Cannibale au pluriel, histoire de l'anthropophagie en Occident » chez Arquet. Et merci, vous remercierez pour nous, nos confrères de la RAI, de vous avoir accueillis dans les studios de Bologne. Où vous enseignez, Angelica Montanari. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. On se retrouve demain pour terminer notre série sur l'histoire de la viande et demain nous parlerons de... Des morceaux de choix dans la viande, quels morceaux manger et comment la découpe-t-on, mais vous serez tout seul demain, Emmanuel. C'est vrai que vous m'abandonnez, mais je continuerai à en parler de cette découpe de la viande et en particulier de cette histoire grâce à l'archéologie qui nous permet justement de savoir comment on découpait différemment d'aujourd'hui la viande dans des périodes plus anciennes. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Inès De Bruyne nous a accompagnés à la technique aujourd'hui. Nous l'accueillons avec beaucoup de plaisir. Thomas Duterre était à la réalisation et nous remercions bien évidemment Daniel Königsberg qui a lu tous les textes aujourd'hui.